podcast France Culture. La préhistoire du futur. Le Benjamin Habitant. Saison 4. Épisode 4. La légalisation du meurtre. Il y a bien longtemps, en 2022... Quelques voyants rouges commencèrent à clignoter un peu plus fort qu'avant. Tiens, c'est quoi ce machin? Par exemple, une personne sur cinq n'avait pas accès à l'eau potable. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Le distributeur de glaçons du frigo est encore en panne. Non, c'est pas vrai. Ou encore, les richesses étaient inégalement réparties entre les États. Émir, veux-tu coller toi-même le timbre pour envoyer des crayons de couleur aux petits Népalais que nous parrainons en ton nom? Mais maman, je vais battre mon record à cache-combo 5. Chérie, quand j'entends notre enfant parler ainsi, je ne peux m'empêcher de ressentir un frisson de honte. Mais non, ne t'inquiète pas. Le site sur lequel joue Émir est éco-solidaire. À son insu, à chaque fois qu'il regarde une pub, il brosse les dents d'un orang-outan. Ah bon? Ouf. J'aime mieux ça. Et entre les couches sociales. Pourriez me dépanner d'une petite pièce, s'il vous plaît? Non. Par ailleurs, avec le développement des pays émergents, on avait l'impression que la pollution atmosphérique risquait de ne pas évoluer dans le bon sens. Chérie, il y a le petit Népalais qui nous écrit qu'il est en scooter, on fait quoi? Pas plus que le taux d'artificialisation des sols ou la biodiversité. Je trouve que tant qu'on peut continuer à manger sa part de viande, ça va encore. Ah oui, il est toujours végétarien. Je peux avoir du café sur les céréales? Quelqu'un eut alors une idée saugrenue. Faisons moins d'enfants. On était obligé de reconnaître que ça se défendait. Alors il fallut trouver des arguments contre. Avoir un enfant, c'est beaucoup de douceur. Les enfants ont tant à nous apprendre. Qui va payer ma retraite, putain? Mais pour chacun de ces arguments contre, il y avait un contre-argument pour. Comme c'est souvent le cas avec les choses. Les enfants n'ont rien à nous apprendre. C'est à la fois le contraire et l'inverse. Camille, il va voler? Non. Il y a le théorème de l'énergie cinétique. Le montant de ta retraite dépendra du nombre de bénéficiaires entre qui il faudra la partager. Vous avez reçu un virement de 24,72 €. Ok. Siri, appelle papa. Appel en cours de papa. Allô? Salut, fils! Papa, pourquoi vous avez bouffé tout le fric de la caisse de retraite en faisant des pleins d'essence 3 fois par jour et en jetant des sacs plastiques dans la mer? Je ne suis qu'un algorithme permettant d'émuler une personne défunte. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais il faut se rappeler que c'était une autre époque. Ah, qu'est-ce qu'on s'est marré avec ta mère? Et enfin, non, un enfant, ce n'est pas toujours beaucoup de douceur, pour faire mon petit cousin Émir. Il me faut du ketchup, maman, putain! Enfin, les gens qui ne voulaient pas renoncer à faire des enfants trouvèrent un argument irréfutable. L'expérience. C'est une expérience? C'est un truc à connaître au moins une fois dans sa vie. Faire un enfant, c'est passer de l'autre côté de sa vie. C'est peut-être égoïste, mais j'ai qu'une vie, alors voilà, c'est comme ça. De fait, il n'y avait rien à répondre à ça. Alors on trouva quand même une parade. Il suffit d'autoriser le meurtre pour les mêmes raisons. Hein? Attendez, comment ça? En fait, ça se tenait. Tuer quelqu'un, c'était aussi une expérience. C'était aussi passer de l'autre côté de sa vie. C'était aussi égoïste. Et contrairement à la reproduction, ça contribuait directement à résoudre le problème de la surpopulation mondiale. Oui, mais... Alors on passa à l'acte. Évidemment, les gens n'étaient pas d'accord. Mais la sauvegarde de la planète en dépendait, alors on utilisa le 49-3, comme on savait faire. C'est comme ça. Le plus étonnant, c'est que parallèlement... Le suicide et l'euthanasie étaient toujours interdits en France. Bah alors, tu mets le contact? Est-ce que tu pourrais sortir de la voiture et t'éloigner un peu? Quoi, t'as encore fait piéger la voiture, c'est ça? Mais non. Mais t'es pas vrai, hein? C'est la deuxième fois cette semaine. Mais non, je te dis... Sauf que les tueurs à gages n'étaient plus du tout sur le dark web. Ils avaient un statut d'auto-entrepreneur et travaillaient pour des plateformes numériques qui les rémunéraient à la tâche. Adieu, monde cruel. Oh non, pas comme ça. Ouh là là là là là. Mais non. J'abandonne. Eh oui, c'est un métier. Vous voulez en finir? Faites plutôt appel à un de nos 200 tueurs professionnels. Allô, Trucidou? Oui, bonjour. Chez Trucidou, les assassins tuent vite et bien. En quelques minutes, choisissez votre date, votre méthode d'exécution, payez en ligne et le tour est joué. Nos clients ne sont plus là pour vous dire combien ils sont satisfaits, mais personne n'a jamais fait jouer la garantie. Et en plus, c'est pas cher. Non pas que ça m'importe, mais bon... Un autre effet de cette mesure... C'est que les duels redevenaient autorisés. Monsieur ? Êtes-vous la personne qui a laissé cette semaine un commentaire sur mon profil Instagram disant « On s'en tape de tes vacances en Bretagne et que tu connaisses Valérie D'Amido » Je ne sais pas. Oui, c'est possible. Pas de doute, c'est lui. Vous êtes un troll, monsieur. Rendez-vous à 6h sur le pré. Je vous laisse le choix des armes. D'accord. Je choisis le pistolet à clous. Ah, eh bien, soit. C'est une autre option pour les gens qui voulaient en finir. Insulter des grosses brutes. Allô, Joystar ? Oui, je m'appelle Camille Tréboulinck et je voulais vous signifier mon profond mépris. Oui, oui, oui, alors j'habite au 10 allée des Azalées, vous avez de quoi noter ? Le droit de tuer ouvrait aussi des débouchés économiques. En premier lieu pour les marchands d'armes, évidemment. Bonjour madame, est-ce que je peux vous faire voir notre catalogue d'armes ? Écoutez-moi le camp, voyou ! Madame, le spray lacrymogène n'a qu'une efficacité limitée. On met un peu de temps à s'habituer. Mais c'était juste un coup à prendre. Alors je récapitule, madame. Si vous signez maintenant, vous recevez votre fusil à pompe Taurus ST-12 sous 3 jours ouvrés. Et la boîte de cartouches offerte. Oh là là, dans quel état je vous ai mis hein. Bah avec tous ces meurtriers dans les rues. Vous voulez un verre d'eau ? Merci, ça va. L'État en profita pour revendiquer encore un peu plus le monopole de la violence légitime. Comme lors de cette campagne de la régie des transports parisiens. Ticket, s'il vous plaît. Ah, il est dans mon autre pantalon, mais je vous jure que... Oh, oh. Un bon fraudeur est un fraudeur mort. Restez vivant. C'était un peu trash. Mais on s'y était habitué. Parfois, on repensait aux polémiques des années 90 sur la violence dans les jeux vidéo et ça nous faisait bien rigoler. Finalement, tout le monde prit goût au meurtre. C'est vrai que c'était une expérience. Et beaucoup plus accessible que la parentalité. Ça y est, je ressens à nouveau un vide en moi que je ne saurais combler par moi-même. Est-ce qu'on ferait pas un troisième gosse ? Et si on noyait plutôt les deux autres ? Oh, mais t'es horrible. Non, mais cela dit, on pourrait noyer mes parents, ça me fera autant de bien et ça leur fera les pieds. Et ça semble plus juste, je trouve. C'est vrai. Économiquement aussi. Oui. Alors on fait ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Renoncer à perpétuer l'espèce. Et tranquillement finir tout ce qu'il y avait dans le frigo sur fond de guerre clanique entre personnes âgées. Michel ! Tu peux m'aider ? Amorcer mon fusil à pompe ? Hein ? Ils arrivent ! Aïe ! Oh non ! Mon polo Lacoste ! Tu m'as appelé ? Quand j'ai mes boules quièces, j'entends rien. C'était une nouvelle démonstration de la loi de Brooker. Si on admet une infinité d'univers possibles... Alors, dans la plupart de ces univers, l'histoire de l'humanité se termine par une bande de vieux qui finissent les restes. Et dans celui-ci, c'est tombé sur nous. Tant qu'on n'a pas trop de problèmes de santé, ça va. Et quand ça se gâte, il nous reste encore des tas d'armes à feu. Tiens, tu veux essayer ? Ok, oui, fais voir. Demande à Michel, c'est lui qui sait faire. Michel, tiens. Donne. Le truc, c'est de prendre appui sur quelque chose et de tirer avec les deux mains, comme ça, tu vois. Ah oui, d'accord. Faut faire attention de ne pas se coincer le doigt. On a vite fait de se coincer. Oui, je sais. Merci, Michel. De rien. C'était La Préhistoire du Futur de Benjamin Habiteau. Avec Grégoire Beaujard, Bernadette Le Sachet, Benjamin Vanvernet, Charlotte Cormon, Daniel Berlioz, Manon Kou, Grégoire Tachnakian, Laure Babled, Samuel Charles, Dominique Valadier, François Château, Adrienne Vigneux, et les voix de Thierry Garcia et Clémence Bucher. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissant. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset et Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Manon Dubus et Anissa Zidna. Réalisation, Benjamin Habiteau.